Me voyez-vous ? Je suis là, partout autour de vous. Dans le bleu de la Méditerranée, dans les paysages spectaculaires des fjords et dans la magie des Caraïbes. Je suis prête à vous être révélée pendant votre croisière MSC. Alors embarquez pour découvrir des lieux merveilleux à partir de 599 € par personne. MSC Croisière, révélez la beauté du monde. Conditions en agence de voyage ou sur msccroisière.fr. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Génocide des Tutsis au Rwanda. Nouvelles études sur le phénomène génocidaire. Entre les mois d'avril et juillet 1994 au Rwanda, un génocide provoque la mort de 800 000 à 1 million de personnes, les trois quarts de la population Tutsi. L'histoire est aussitôt mobilisée pour analyser ce génocide dans le temps long de la colonisation, dans le temps plus court des tensions construites et de la haine exacerbée. Quelles approches historiques pour expliquer ce génocide à l'ombre des nouveaux travaux, des nouveaux questionnements, des archives, des procès, des enjeux de mémoire et de réconciliation. Retour le 7 avril 1994 avec la première ministre du Rwanda au téléphone. On tire, on est terrorisé, on est à l'intérieur des maisons, on est couché par terre. Maintenant il fait clair, mais on ne sort pas encore, on ne peut pas sortir. J'entends des coups. Est-ce que c'est tout près? Est-ce que c'est un peu loin? En tout cas, ce sont des coups qui sont très durs. À votre connaissance, selon les dernières informations que vous aviez, il s'agissait bien d'un attentat contre l'avion du président Habyarimana? Je ne vais pas donner exactement les causes de cet accident. Je ne vais pas les connaître, moi. Je ne vais pas les connaître. À mon avis, nous sommes en train de subir les conséquences de la mort du chef de l'État, je pense. Le 7 avril 1994, Agathe Uwilingiyimana, qui s'exprime, c'est la première ministre du Rwanda. Bonjour Rémi Korman. Bonjour. Je l'évoquais juste en introduction de l'émission, une date de début du génocide, 7 avril, pourquoi pas. Mais bien sûr, l'histoire tout de suite mobilisée pour expliquer le génocide. On l'a vu dans les analyses, le temps long, la colonisation, et puis les mois, les années précédentes, où la haine a été exacerbée entre les Hutus et les Tutsis. Oui, alors très rapidement, de toute façon, les historiens sont mobilisés. Alors, parce que le génocide des Tutsis commence le 7 avril, mais évidemment, l'histoire elle est plus longue, ça c'est évident. Et sans revenir sur le temps très long, je pense qu'un autre invité, Philippe Gacondiré, pourra revenir dessus, mais dès le début de la guerre civile en octobre 90, voilà, il y a des historiens, je pense en particulier à Jean-Pierre Chrétien, qui vont se mobiliser et vont prévenir en fait, qu'on a une montée de l'extrémisme, en particulier du racisme anti-Tutsi. Et donc, lorsque le 7 avril 1994, le génocide des Tutsis commence, voilà, ça n'arrive pas par hasard, on connaît déjà le contexte. Juliette Bourg, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorante en histoire contemporaine et vous vous intéressez à cette question du génocide avec un angle particulier. C'est ce qui va nous intéresser vraiment aujourd'hui dans le cours de l'histoire, c'est voir ces différentes approches, cette vivacité de la recherche historique sur ces questionnements. Votre thèse s'intitule « Femmes de pouvoir et génocide, Rwanda 1994 ». C'est une thèse dirigée par... Stéphane Audouin-Rousseau. Et dans cette thèse, Femmes de pouvoir et génocide, là aussi, il y a retour sur le passé. Tout ne commence pas évidemment au génocide, on le sait bien. Et pour le comprendre dans cette démarche, c'est une démarche prosopographique. Vous étudiez plusieurs personnages comme ça, plusieurs parcours. Oui, c'est en fait l'étude des trajectoires de 15 femmes qui étaient toutes en poste en 1994 et même avant. Et je reviens en fait dans une sorte de biographie collective sur leur ascension à des positions d'autorité et comment elles ont utilisé en fait ce pouvoir pour participer au génocide. Puisque l'idée fausse qu'on a souvent quand on pense aux femmes dans la violence, c'est que toutes ont en commun plus qu'elles auraient avec les hommes qui sont de même statut. Or, les femmes que moi j'étudie, elles ont participé au génocide en fait de la même façon que les hommes parce qu'elles avaient accès à des ressources telles que rien en fait ne les empêchait de participer au génocide. En fait, elles ont participé comme des femmes politiques en s'engageant dans un processus d'extermination qui était lui-même politique. Donc en fait, faut-il s'en étonner? Oui, avec tous ces questionnements nouveaux, questionnements liés à l'histoire du genre et puis liés à tout ce que l'on connaît aussi du génocide. Il y a cette temporalité qui est importante. Bonjour Timothée Brunet-Lefebvre. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire contemporaine, une thèse qui porte sur la justice française à l'épreuve du génocide des Tutsis rwandais, une thèse dirigée par... Stéphane Audouin-Rousseau. Que nous saluons, Stéphane Audouin-Rousseau, l'école des hautes études en sciences sociales. Votre démarche à vous porte sur la justice et là aussi... temps long, évidemment, mais une construction à partir de quand d'ailleurs? Parce que l'idée même de justice liée au génocide, oui, c'est très proche de l'événement. Oui, bien sûr, et même c'est presque immédiat, et même parfois, les questions de lutte contre l'impunité de ce qui se produisait au Rwanda datent même d'avant le génocide. Vous avez des militants des droits de l'homme qui, dès 1991, 92, 93, vont essayer de documenter les violations graves des droits humains et essayer de mettre en garde contre cette forme d'impunité. Évidemment, le génocide va totalement bouleverser la donne. Et très vite, au lendemain du génocide, caractérisé par une forme de participation populaire dans les massacres, il y a cet impératif de jugement qui va donc se poser dès 1994 au lendemain, et que ce soit même au niveau international avec le TPIR qui sera créé en novembre 94, mais aussi dans certains pays européens comme la Belgique qui vont commencer à mener des enquêtes dès 1995-1996. Rémi Corman, vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université catholique de l'Ouest, et votre sujet, votre travail porte entre autres sur la commémoration, commémorer les ruines, l'État rwandais face à la mort de masse après le génocide. Une thèse avec qui? Stéphane Arouzo. Que nous saluons définitivement Stéphane Arouzo. La commémoration aussi, mais j'ai envie de dire dans tout ce que j'entends ici que pour historiens, historiennes, il y a les précédents. L'idée même de commémoration après le génocide, ça oblige à faire des ponts temporels avec le génocide qui crée le mot génocide, c'est-à-dire la Shoah. Oui, c'est ça. Alors, moi, je m'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle la première mémoire du génocide des Tutsis. Alors, déjà, on peut dire que s'intéresser à cette première mémoire, ça vient d'abord des travaux sur la mémoire de la Shoah. Donc, penser à la première mémoire du génocide des Tutsis, c'est aussi en lien avec la première mémoire de la Shoah. Et ce qui se passe, j'aime bien rappeler le contexte en 94, on est dans les 50e anniversaire aussi, par rapport à la libération, par rapport aussi à la mémoire de la Shoah, 94, mais aussi 44, 45. Ce qui fait que de toute façon, dès que l'événement a lieu, on est dans des logiques de comparaison avec le génocide des Juifs. Ça va être sur l'histoire et ça va être sur la mémoire. Et ensuite, alors ça c'est par les travaux, par les archives, les entretiens, etc. Ce qui m'a intéressé, c'est comment les historiens rwandais, les acteurs de la mémoire du génocide des Tutsis rwandais, ont, dès après 94, utilisé un modèle, alors avec tous les guillemets autour de ce modèle, de la mémoire de la Shoah pour, on va dire, l'utiliser au Rwanda dès, on va dire, l'automne 94. Dans la question de comparaison génocidaire qui ne vaut pas grand-chose parce que les contextes sont différents, mais malgré tout, les réflexions sont là. En ce qui concerne la justice, Timothée Brunet-Lefebvre, il y a vraiment, j'imagine, un regard sur comment la justice s'était créée après la Seconde Guerre mondiale. Oui, enfin, évidemment, tout du moins sur la question plus pénale internationale, parce qu'effectivement, le TMI de Nuremberg, donc de 45 à 46, fait figure de modèle, même jusqu'à aujourd'hui encore, de question de comment est-ce qu'on peut juger au niveau international des crimes de masse de telle ampleur. Et Nuremberg est apparu comme un modèle de cela. Et effectivement, c'est une forme de référence qui va continuer. Mais je crois que dans le cas spécifique du génocide des Tutsis, au-delà de cette inspiration, il y a quand même un défi particulier qui s'est posé et qui caractérise quand même le génocide des Tutsis au Rwanda. C'est tout de même non seulement la masse de participants, ce qui est quelque chose qu'on peut retrouver dans d'autres crimes de masse, mais c'est aussi l'effort très rapide et significatif de tentative de jugement du plus de nombre de personnes possible. Parce que si on regarde au final le nombre de personnes qui ont notamment participé à la Shoah ou des membres du régime nazi qui ont été véritablement jugés, eh bien au final on est face à un rapport de force et à un chiffre qui est très peu, très bas. Là où dans le génocide Tutsi au Rwanda, notamment si on prend le cas de la justice rwandaise, des chambres spécialisées et des gachachas, on a plusieurs millions de dossiers qui ont été traités, d'une manière très spécifique bien sûr, mais quand même cet effort de justice qui a été extrêmement significatif et qui aujourd'hui a encore des formes de réverbérance et d'écho dans d'autres formes de justice comme dans la compétence universelle en France. Les gachachas, c'est les tribunaux traditionnels au Rwanda, c'est ça? Oui, c'est ça. Enfin, c'est des tribunaux qui ont été mis en place à partir de 2001 pour essayer, de traiter ce contentieux immense en le ramenant au plus près des communautés locales avec des juges qui étaient des citoyens élus parmi la population et qui ont donc permis de traiter ce contentieux et surtout de documenter le plus possible le génocide au niveau le plus local. Le mot est là, document, documenter. Le document, c'est le socle du travail de l'historienne de l'historien Juliette Bourg dans votre étude sur ces femmes qui sont liées au génocide. Elles sont en prison. elles sont condamnées, il y a eu procès, donc il y a pour vous source, il y a énormément de documents, et puis il y a aussi le témoignage oral, ou en tout cas la possibilité de les rencontrer. Oui, effectivement, il ne faut pas penser que ces tribunaux gachacha, parce qu'ils se passaient en plein air, en public, et que c'était une forme de justice voilà, nouvelle qui peut paraître de loin pas sérieuse, n'ont pas produit, en fait, des, comme le disait Timothée, des centaines de milliers de pages qui sont utiles et utilisables pour l'historien. Et moi, ma thèse, donc, je travaille à partir de ces sources judiciaires, majoritairement rwandaises, puisque toutes les femmes que j'étudie, en effet, ont été condamnées par la justice, que ce soit la justice rwandaise ou également la justice pénale internationale, puisque, par exemple, la ministre de la Famille, Pauline Nyiramasuku, a été la seule femme jugée par le TPIR. Et donc, il y a également les archives de son procès qui sont disponibles. Les archives Gachacha, c'est des archives qui sont intéressantes quand on veut tracer les parcours de génocidaires, parce que ces tribunaux ont jugé à partir de 1990. Donc ça permet aussi de voir les comportements de ces personnes avant 1994, voir des processus de radicalisation, notamment pour ces femmes. C'est pas d'un coup, le 7 avril, qu'elles se disent « ben, je vais prendre une arme » et aller tuer ou faire tuer des gens. Elles ont été formées aux armes à partir de 1991 par des militaires, elles ont recruté des miliciens dans leur quartier, elles ont sensibilisé à la haine contre les Tutsis. Et ça, c'est des choses qu'on voit très bien dans Gachacha, et que les archives orales permettent, les entretiens, pardon, avec que ce soit les rescapés, avec les personnes qui ont collaboré avec ces femmes au moment du génocide, ou avec ces femmes elles-mêmes quand c'est possible, quand elles sont emprisonnées, permettent de compléter et de faire voir d'autres choses. Avec ce changement d'échelle que vous venez d'évoquer, être au plus près du local avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, Philibert Gakwenziré, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Kigali, au Rwanda ? Oui, je suis à Kigali, oui. Merci beaucoup d'être avec nous. Votre thèse soutenue à l'Université libre de Bruxelles, les politiques de discrimination, persécution et génocide des Tutsis dans deux communes rwandaises. Quelles sont ces communes ? C'est la commune d'Orubungo et d'Odikomero qui se trouvent dans la préfecture de Kigali. Et c'est à proximité de la ville de Kigali, justement. La capitale du Rwanda. Pourquoi avoir fait le choix d'être sur le local pour comprendre le génocide ? Entre justice internationale que nous venons d'évoquer et puis le local, c'est ce jeu d'échelle qui permet de comprendre un phénomène. Quand je commençais à faire la thèse, et d'ailleurs qui n'est pas en grande partie différente de travaux de fin d'études que j'avais fait précédemment, je présumais que pour ce qui est de la connaissance générale sur le génocide des Tutsis, j'appréciais les synthèses déjà faites, comme déjà mon collègue l'a dit, les travaux de Jean-Pierre Chrétien et bien d'autres. Et je voyais qu'il fallait aller plus au-delà de ce que nous connaissons sur les théories, etc., et faire des travaux monographiques pour comprendre les dynamiques locales, les acteurs, et qui étaient plus proches de la population et des autorités intermédiaires. Et dans ma thèse, justement, j'insiste davantage sur l'application des politiques nationales par l'organe commun, qui était appelé la commune, et qui avait une autonomie, une personnalité juridique, en tout cas les pouvoirs, et qui avait la possibilité d'appliquer, et même la possibilité et l'obligation d'appliquer, les politiques élaborées à haut niveau. Et c'est pour cela que j'ai voulu m'approcher de plus près de la population et des sous-autorités, et travailler sur les deux communes, la commune d'Orubungo et d'Odikomero, mais en tant qu'une seule entité, parce qu'il y a des frontières, mais les dynamiques entre la population entre ces deux communes, elle est toujours la même. Philibert Gakwenziré, vous êtes historien, enseignant-chercheur à l'Université du Rwanda, et votre travail sur ces deux communes, pas loin de Kigali, s'inscrit sur un temps plus long que celui du génocide, bien sûr, 1960-1994, avec toute cette question de la temporalité. Retour en 1972 au Burundi. Le Burundi, Il n'y avait pas jusqu'ici de témoignage direct. Le premier témoignage est celui d'un journaliste de l'ORTF. Jean-Louis Demigneux, vous en revenez. Vous êtes aujourd'hui pratiquement le seul à pouvoir dire s'il y a vraiment eu, et s'il y a vraiment, un massacre au Burundi. Dans un premier temps, il y a eu un soulèvement de l'ethnie majoritaire qui n'est pas au pouvoir. Cette ethnie s'appelle les Hutus. Elle a cherché à se soulever avec des machettes et avec des gris-gris. Elle a été réprimée très rapidement avec des armes automatiques par le pouvoir, les Tutsis, une ethnie au pouvoir depuis d'ailleurs plus de 7 siècles maintenant. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu 100 000 morts ou près de 100 000 morts au Burundi, 115 000 Tutsis exterminés d'abord à la machette et ensuite une répression sanglante, une répression qui s'est surtout portée contre les Hutus ayant été à l'école. Est-ce que les puissances étrangères, comme on dit, enveniment les choses et essaient jusqu'à présent d'apporter une solution ou d'aider à la création d'une solution sur place? Le président Muchombero a dit « il y a un impérialisme étranger dans cette affaire ». Je lui ai posé la question, je lui ai dit « quel impérialisme ?» Il m'a dit « en fait, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est que l'on a cherché à nous opposer sur le plan tribal, alors que nous vivions en bonne intelligence avant la colonisation, et ce sont les Belges qui ont fait cette opposition Tutsi-Hutu. » Est-ce que vous croyez qu'une réconciliation est possible sans qu'elle se fasse sur les cadavres des uns ou des autres? Elle se fera parce que, de toute façon, les Hutus qui subsistent maintenant à Bujumbura sont des Hutus qui n'envisagent pas de prendre le pouvoir. Ce sont des pauvres, des paysans, des gens qui ne sont pas allés à l'école. Dans les écoles, il n'y a plus que des Tutsis, les autres ont été arrêtés. Le journal télévisé du 13h, le 6 juin 1972, c'est Jean-Pierre Elkabbach qui présente le journal et qui évoque ces tensions au Burundi entre Hutu et Tutsi. Philibert Wakenzire, ces tensions-là, elles sont sur, et on joue beaucoup avec le temps aujourd'hui, hein, dans le cours de l'histoire, sur le temps long. On l'oublie souvent, le génocide, pour les Occidentaux que nous sommes, et moi le premier, apparaît en 1994, au mois d'avril, d'un coup comme une surprise. Pourtant, quand on regarde les archives, on l'entend ici, les tensions sont beaucoup plus anciennes. Le choix de 1960, c'est lié à l'indépendance. La colonisation avait créé et en même temps étouffé les tensions. Elles ressurgissent après. Justement, l'année 1960 tient de cette période-là de transition de la période coloniale qu'on peut appeler la période coloniale tardive vers l'indépendance où ce que nous avons appelé le néocolonialisme a commencé à se dessiner. Et en écartant les Rwandais qui se montrent nationalistes et mettre en place un pouvoir qui serait flexible après l'indépendance. Et c'est à ce moment que les massacres qui ont immédiatement visé un groupe de Tutsis qui étaient par ailleurs des collaborateurs de la colonisation mais qui commençait à changer de camp. Et pour comprendre le génocide des Tutsis, il faut faire une étude rétrospective vers ces années-là, mais aussi comprendre les mécanismes de colonisation et qui étaient basés sur le divisionnisme qui a été récupéré par le pouvoir en 1962 jusqu'au génocide sous une forme de revanche et de mimétisme de l'époque coloniale. Rémi Corman, quand on entend cette archive de 1972, évidemment, elle prend une ampleur particulière puisque nous connaissons le génocide de 1994. C'est l'ampleur du temps qui fait que d'un seul coup, le passé devient beaucoup plus clair quand on entend cette archive. Sinon, ce serait resté comme un événement, comme presque une brève dans un journal occidental. En 1972, il y a eu un massacre. Cette histoire-là que nous écrivons, et notamment la réflexion sur la commémoration, elle ne peut pas se contenter de l'année 1994. Oui, alors, sur cette archive en elle-même, elle est compliquée, en fait, à mon avis, dans le sens où elle parle beaucoup plus du Burundi, qui a aussi une autre histoire. Et c'est important. Il manque, à mon avis, une vraie histoire régionale, depuis l'époque coloniale et puis jusqu'à nos jours, sur les violences de façon générale. Mais ça reste des histoires séparées. On parle parfois de faux jumeaux avec toutes les problématiques que pose ce terme. Mais donc là, ça nous raconte plus l'histoire du Burundi que l'histoire du Rwanda. Et donc si on voulait montrer sur le temps long Pour le Rwanda, le génocide des Tutsis, on parlerait d'autres dates. On parlerait de 63, on parlerait de 73. Donc en fait, cette archive nous parle plus du Burundi que du Rwanda. Ah, c'est une archive Burundi, hein. C'est oui, vraiment pour jouer c'est, sur c'est pour sur, c'est deux c'est ces deux préciser. Ethnies qui sont présentées ainsi, Hutu et Tutsi, pour ces dates 1963 au Rwanda. Bah parce que après l'indépendance et sans rentrer dans ces longues logiques, mais on a des Rwandais Tutsis qui sont en exil et qui essayent de revenir militairement. Et à chaque fois, ils sont battus, hein, enfin, on va dire militairement. Et tout de suite, on voit apparaître des massacres contre les Tutsis civils de l'intérieur. Et en 63, il y a des massacres d'ampleur, en particulier dans une préfecture qui est la préfecture de Gikongoro. Alors on parle déjà à l'époque de génocide, alors ce qui pose évidemment des questions pour les historiens. Alors est-ce que c'est le début du génocide? Est-ce qu'on doit utiliser le terme de génocide? Mais là, ça crée des débats historiographiques. Mais on a des massacres d'ampleur. On a en 73 d'autres massacres et puis surtout, on va dire, un nouvel épisode dans les discriminations anti-Tutsi et qui mène aussi, dans ce contexte, à un changement de république. Donc c'est vrai qu'il y a une histoire sur le temps long. Après, sur les questions de mémoire, ce qui est assez intéressant, c'est que au cœur de la politique de mémoire du génocide des Tutsis, c'est quand même d'abord 94. C'est d'abord le génocide des Tutsis. Ça évolue et on va dire que, par exemple, la mémoire de ce qui s'est passé en 63 est de plus en plus présente. Il y a un ouvrage qui vient de sortir, d'ailleurs, je pense, co-dirigé par Florence Prudhomme, avec des témoignages, en fait, de rescapés de la région et qui revient aussi sur le temps long. Mais c'est quand même au cœur de la politique de mémoire, c'est le génocide des Tutsis. Et sachant que les mémoires, il y en a beaucoup, parce qu'il y a aussi des mémoires des massacres de 63, il y a 73, mais il y a aussi les mémoires on va dire, tous les Rwandais Tutsis qui étaient en exil dans les pays voisins, avec chacun sa propre histoire, ceux qui étaient au Congo, ceux qui étaient au Burundi, ceux qui étaient en Ouganda. Et puis, je pense qu'il faut quand même le rappeler en historien, il y a eu une guerre civile qui dure quasiment une dizaine d'années. Il y a eu deux guerres au Congo. Donc les questions de mémoire sont très larges, en fait. Mais voilà, la politique de mémoire au Rwanda, elle porte sur le génocide des Tutsis, ce qui s'explique par l'ampleur de l'événement et aussi parce que l'événement a lieu sur le territoire. Donc, c'est-à-dire que là, après, on rejoint la problématique des sites, des lieux de mémoire, etc. Oui, qui est une problématique complexe dans cette région du monde. Juliette Bourg, ces femmes que vous avez étudiées, et notamment par leur parcours et leur passé, sont héritières de ces mémoires que nous venons d'évoquer, hein, 1963-1973. Est-ce que ça apparaît, ça? Est-ce que c'est constitutif de ce qu'elles sont et ce qui peut expliquer pourquoi elles participent au génocide en 1994? Alors, expliquer pourquoi elles participent au génocide, non, je pense pas. Mais par contre, comprendre comment elles se construisent quand elles grandissent, puisque toutes ces femmes, elles sont nées avant l'indépendance et elles sont scolarisées en fait souvent au moment de la révolution de 1959, puis de l'indépendance du Rwanda en 1962. Et elles, là, c'est l'autre côté en fait. On connaît beaucoup l'histoire de ces événements du côté des Tutsis qui ont été victimes de ces événements, mais elles, du côté des Hutus, c'est des jeunes filles qui sont en fait porteuses des espoirs de la révolution. Révolution qui, en fait, pour ces jeunes filles, est assez progressiste, puisque dans les promesses de Grégoire Kayibanda, le premier président du Rwanda et de son parti, le Parmé Hutu, c'est que les jeunes filles puissent accéder aux études. Il y a d'ailleurs des établissements du secondaire qui se sont ouverts peu avant l'indépendance du Rwanda. Et donc, elles se construisent avec l'idée d'un double rattrapage. Si on pense à ces politiques de rattrapage des Hutus sur les Tutsis, en tant que jeunes filles, puisqu'elles ont accédé à l'école, et en tant que jeunes filles Hutus, puisqu'elles ont grandi dans cette idée que les chefs Tutsis dominaient, que les Hutus, leurs parents Hutus étaient humiliés. Et donc, elles sont porteuses, oui, de ces nouvelles espérances pour les jeunes filles, et elles sont porteuses également d'être des nouveaux modèles, puisque dans cette nouvelle histoire du Rwanda qui s'écrit après l'indépendance, une histoire qui s'écrit contre les Tutsis et contre la monarchie Tutsi, les figures de pouvoir comme les reines-mères Tutsis sont constamment montrées comme des reines-mères cruelles, et donc elles n'ont pas vraiment de modèle de femmes positives, mais elles vont en devenir. Il y a une ministre qui est nommée en 1964 et qui vient d'un de ces établissements du secondaire que ces jeunes filles de l'élite Hutu fréquentent. Et voilà, donc elles se construisent plutôt dans ce narratif qui vient du pouvoir Hutu. Elles vont d'ailleurs tout recevoir pendant la Première République en étant scolarisées, en devenant fonctionnaires. Et ça va continuer sous la Deuxième République de Juvenal Habyarimana, puisque en étant membres du parti MND, elles vont bénéficier de politiques de promotion féminine. Et voilà, donc là, c'est un peu quand on étudie ces profils-là, c'est un peu prendre le contrepoint. Promotion féminine, vous ne choisissez pas par hasard les mots Juliette Bourg parce que c'est le nom d'un ministère, hein, le ministère de la promotion féminine et de la famille, dont la ministre est accusée de génocide. Madame Pauline était une matrone africaine, une mère de famille également. Jamais, je vous l'assure, je n'ai vu quelqu'un d'aussi haineux. Entourée de ses tueurs, elle les excitait, les appelait à travailler, travailler, travailler encore. Cela voulait dire assassiner, assassiner, assassiner. Madame Pauline ordonnait, il faut les tuer tous, il faut éliminer ces cancres-là. Et elle s'interrompait, appelait un de ses assistants pour lui demander d'apporter des preuves. Des preuves de quoi? Du complot, répondait-elle sur le ton de l'évidence. Quel complot? Mais celui des Tutsis, bien sûr. Et l'assistant, s'emparant d'une pile de cahiers tendue par un soldat, disait, regardez, les voici les preuves. Il n'y avait que des copies d'écoliers. Lisez, vous comprendrez, insistait-il. On lisait et on ne voyait que de simples devoirs d'enfants d'une dizaine d'années, rien de plus. Vous voyez, reprenait Madame Pauline, c'est le complot. Tous, même les enfants. Patrick de Saint-Exupéry, le journaliste qui nous présentait Madame Pauline. Alors, qui est Madame Pauline, Juliette Bourg? Alors, Madame Pauline, c'est cette ministre de la promotion féminine et de la famille dont je vous parlais précédemment, qui a été condamnée par le Tribunal pénal international pour le Rwanda pour sa participation au génocide et également pour les viols qu'elle a fait perpétrer dans sa préfecture de Boutaré. Et pour revenir à ce que je disais, c'est un pur produit, en fait, Pauline Ramasuko, de ces progrès pour quelques femmes, attention, pour une minorité de femmes pendant les deux républiques, puisque elle va commencer par être par étudier au secondaire où elle rencontre Agathe Kanziga. Puis elle va devenir monitrice sociale, donc c'est fonctionnaire, et grimper les échelons dans les ministères, faire un beau mariage avec un homme politique du sud du pays, jusqu'à devenir en 1992 la première ministre de la promotion féminine et de la famille, puisque c'est un ministère qui est créé en 1992. Donc elle est chargée, oui, de toutes les questions autour de la famille, également autour de la contraception. Et c'est une femme qui est extrêmement loyale au MRND, donc le parti présidentielle et au couple présidentiel dont elle est toujours restée une amie proche. Mais c'est aussi une femme qui a fait ses preuves lors de son travail comme monitrice sociale, comme fonctionnaire, qui appartenait à des associations féminines dans lesquelles elle a construit des réseaux féminins entre notables et qui, en 1994, s'engage à 100% dans l'extermination des Tutsis. Notamment en tant que ministre, en s'occupant de tout ce qui concerne notamment la logistique, pour que les miliciens de sa préfecture soient armés, mais également en se rendant sur le terrain des massacres, là où les réfugiés Tutsis avaient choisi de se regrouper, notamment au bureau de la préfecture, où elle se rend le soir habillée là en treillis, donc plus en ministre, pour sélectionner des hommes à tuer et des femmes à faire violer avant d'être tuées. Par contre, pour revenir un peu sur ce que dit Patrick de Saint-Exupéry dans l'extrait, je pense qu'il y a quand même certains clichés quand on parle de ces femmes, que ce serait, elle est présentée dans l'extrait vraiment comme le pire des monstres. Est-ce qu'elle était vraiment pire que les autres ministres à ce moment-là qui faisaient en fait la même chose? Pour l'avoir rencontrée en prison, c'est une femme qui faut revenir à sa normalité. En fait, c'est une femme politique qui croyait en ce qu'elle faisait, mais qui est loin d'être une femme sanguinaire. Voilà, pour aller un peu contre ces stéréotypes liés à la violence des femmes. Mais elle participe au génocide, c'est-à-dire sélectionnée. Elle participe au sens où elle tue elle-même. Non, elle tue pas elle-même. Elle fait tuer. Donc, c'est-à-dire qu'elle a des groupes de miliciens, dont un des chefs de milice est son fils, qu'elle envoie tuer. Mais elle est armée. Il y a des témoignages où elle donne des coups de crosse. Elle parle directement aux Tutsis en leur disant voilà, qu'ils vont mourir, que c'est de la saleté, notamment en ce qui concerne les femmes Tutsis. Avant, les témoignages à son procès montrent comment cette idéologie contre les Tutsis ressurgit au moment des viols, puisqu'elle dit... voilà, maintenant, vous voyez ces femmes Tutsis, faites ce que vous voulez d'elles. Elles qui étaient avant si arrogantes envers les Hutus. Oui, c'est donc ça. C'est une femme convaincue. Avec cette question du vol, hein, du viol, Timothée Brunet-Lefebvre, il y a vraiment, dans la définition même de ce qu'est un génocide, au moment des procès, de mettre à plat cette longue construction, hein, de la définition du génocide depuis 1944 jusqu'à aujourd'hui. Et le viol, ici, est quelque chose d'important. Oui, tout à fait. Et même, c'est par rapport au génocide des Tutsis que le viol va apparaître comme étant ce qu'on appelle un crime constitutif du crime de génocide, à l'issue du procès de Jean-Paul Akayesu, qui était lui aussi un bourgmestre, encore une fois, donc le chef d'une commune, le bourgmestre de Taba, au Rwanda, et qui sera donc reconnu coupable pour ces faits de viol. Mais c'est très intéressant et important de souligner que si cela a fait jurisprudence grâce à son jugement en 98, il faut bien rappeler que c'est seulement parce que pendant son procès au TPIR, un groupe de femmes rescapées du génocide, avec l'aide notamment d'ONG rwandaises, vont se mobiliser pour en fait changer l'acte d'accusation qui a été mis en place par le procureur pour faire intégrer cette question du viol. Et donc, la question du témoignage sur les viols, il surgit avec cette demande de reconnaissance du fait que les violences sexuelles ne sont pas un à côté du génocide ou une sorte de conséquence qui serait presque ordinaire, si on peut dire ça comme ça, d'un crime de masse, mais vraiment son cœur et au centre de la politique du génocide. Ce que montre tout à fait l'action de Pauline Nyelama-Sowuko au sein de son ministère et pendant le génocide. Et je crois qu'il est important de rappeler comment ici, par rapport au droit notamment, au-delà du fait que le droit viendrait punir après coup des individus jugés responsables pour certains faits, c'est plus que ça. Je pense que le droit, il permet de voir ce qui, à un moment, est saisi ou non par des institutions internationales, par des acteurs spécifiques, et même par dans des cadres intellectuels, disons, même par des chercheurs qui vont essayer de mettre en avant ou de faire comprendre que, quand on parle de génocide, c'est plus qu'une question de définition au sens pénal, c'est une question de représentation. C'est quoi? On parle de quel geste? On pense évidemment au fait de tuer des gens, ce qui vient en premier, exterminer, en tuer le plus possible, mais s'ajoute à cela toutes les questions relatives à la cruauté, aux différentes manières qu'ont eu les tueurs et les participants au génocide de s'acharner sur leurs victimes, quels gestes, et bien sûr celle des violences sexuelles est omniprésente et très importante, mais peut-être encore plus difficile à déchiffrer et à saisir, parce que pour parler d'un viol, déjà dans un ordinaire, c'est un crime assez spécifique, pour en parler dans un cadre international ou même local, de la part de victimes de viol, en dehors d'un cadre intime où pas forcément besoin de le dire trop pour qu'on comprenne ce qui s'est passé. Ça a demandé parfois beaucoup d'efforts de la part des témoins, de la part des rescapés de ces mêmes violences sexuelles, et on a pu voir, notamment dans certaines procédures, comme ça a pu être le cas en France, aussi voir ces formes de crimes ressurgir, alors qu'en réalité, ils étaient un peu passés à côté, du moins au moment de l'enquête, au moment de l'instruction de ces dossiers, et pendant le procès. Il y a des témoignages qui euphémisent ces formes de violence, avec des mots pour dire le viol qui ne disent pas exactement le mot violence sexuelle, au moment de leur manière de dire, du moins en Kinyarwanda, mais qui, à l'oreille de personnes aguerries et de celles et ceux qui sont un peu familiers du génocide et de son langage spécifique, veulent très bien dire ces questions des violences sexuelles. Donc au final, la question pénale et la question du judiciaire est importante ici pour voir comment elle a pu être soit un lieu d'expression de ces questions, de reconnaissance de celles-ci, mais dans des cadres et dans des contextes extrêmement compliqués. Ah, c'est pas du tout la même chose. Vous avez raison de parler devant un tribunal ou de parler autour de soi au local. Philibert Gagwenziré, dans cette étude que vous avez réalisée sur ces communes pas loin de Kigali, avec vraiment l'idée de comprendre, parce que c'est ce qui nous intéresse ici, et je reprends les éléments du titre de votre thèse, les discriminations, les persécutions jusqu'au génocide des Tutsis, est-ce que on retrouve en écho à ce que disait Juliette Bourg sur ces élites, ces gens dominants? Alors là, c'était à l'échelle des ministères avec vous, Juliette Bourg. Est-ce qu'on retrouve tous ces réseaux qui se constituent dans les communes et qui expliquent qui va participer au génocide? Ah, peut-être avant de revenir sur votre question, je peux lier votre intervention quand vous avez évoqué le mot constitutif. Et ce que mon collègue Rémi a dit, du débat historiographique, mais aussi épistémologique de ce qui s'est passé précédemment dans ces années 1960-63, etc. Et selon certaines théories qui sont vraiment fondées et qui montrent les éléments constitutifs d'un génocide, c'est qu'il y a ces massacres qui ont un certain dynamisme et une continuité dans le passé, ce qui explique justement ce paroxysme. Et à partir de 1990, si je reviens à votre question, c'est à partir de ce moment qu'on voit la recrudescence de ce que nous considérons aujourd'hui comme une idéologie de la haine, de la division, mais d'une façon tout à fait très accentuée. Et justement, la constitution des groupes civils mais armés, entraînés par les militaires, un peu partout. Et selon nos recherches et les documents qui ont été à notre disposition, on voit par exemple que l'administration pouvait passer par les coopératives agricoles pour recruter les jeunes. Et je vois par exemple en commune d'Orubongo un document qui demandait à ce que, au niveau de l'entité administrative de base qu'on appelait la cellule, chaque coopérative devait fournir au moins 2 jeunes autour de 18 ans pour faire un entraînement d'autodéfense civile et ils étaient acheminés. Avec toute cette réflexion là que vous nous apportez, et c'est Kigali hein, que nous allons recontacter dans quelques secondes pour savoir comment justement cet héritage colonial permet de saisir ce que vient de nous dire à l'instant Philibert Kagwanziré. Et c'est ces structures-là qui sont en place, la possibilité notamment de réfléchir à préparer des gens à combattre. C'est pas rien quand même. Enfin, Juliette Bourg, une ministre qui est préparée aux armes, c'est pas rien. C'est quelque chose de très lourd de sens. Tout ça, ce sont les années, quoi, fin 1980, début 1990? C'est à partir de 1990 et de la guerre contre le FPR qui débute le 1er octobre, avec dès les premiers jours de la guerre le narratif qui est au Rwanda d'une attaque de Tutsis qui veulent venir rétablir la monarchie au Rwanda, qui sont une race dominatrice assoiffée de sang et qu'il faut absolument s'en défendre. Avec tout de suite cette idée que tous les Tutsis, même ceux de l'intérieur du Rwanda, sont par nature, par solidarité raciale, assimilés au FPR qui attaque. Et donc il faut s'en défendre et mettre en place des politiques d'autodéfense civile, comme le disait Philibert Kagwanziré, pour se préparer à cette attaque des Tutsis, qui viennent de l'extérieur, mais qui sont aussi parmi les voisins qui vivent à côté. Philibert Kagwanziré, cet héritage colonial, c'est important dans cet imaginaire de rivalité Hutu-Tutsi et tout simplement même dans le cadre de l'administration qui a le pouvoir et donc qui a les capacités d'organiser, peut-être pas un génocide, mais en tout cas de renforcer ses propres intérêts. Justement, si nous revenons sur cette administration communale dont nous avons évoqué, elle a été mise en place 2 ans avant l'indépendance dans un processus demandé par les Nations Unies de conduire les pays vers son indépendance, mais en même temps en mettant en place des institutions qu'on peut considérer comme modernes par rapport à celles que le pouvoir colonial a trouvées sur place ou bien qu'elle a renouvelées pendant de 1900 jusqu'en 1960. Et la commune a été un élément très essentiel parce qu'elle a participé à ce processus-là. Et par exemple, si nous revenons sur la suppression de la monarchie, et ça a été prononcé par les conseils communaux, les bourgmestres et les représentants des partis politiques. Et cet héritage-là est très visible puisque les bourgmestres, parce qu'il y a où j'ai tenté aussi de faire une sorte de sociologie politique des bourgmestres, et on voit qu'ils étaient très attachés à la politique tout à fait ethniste qui a été mise en place dans le cadre là de donner l'indépendance à un groupe, comme je l'ai déjà dit, qui serait flexible à travailler avec l'étranger, donc à travailler avec l'ancien pouvoir colonial. Rémi Corman, dans tout ce que nous entendons depuis tout à l'heure, bien sûr, l'explication des origines coloniales, etc., qui vont expliquer le génocide, c'est vrai que ça a été apporté très tôt. C'est un élément de l'analyse, mais il y en a tant d'autres. Et on voit bien que la recherche historique a apporté tous ces regards différents. Il n'y en a pas qu'un qui domine l'ensemble, sinon ce serait trop simple, il n'y aurait pas d'analyse. C'est ça aussi qui permet de mieux saisir ces processus extrêmement douloureux pour étudier le génocide. Oui, alors bon, des débats historiographiques, il y en a beaucoup, au Rwanda comme ailleurs, mais peut-être juste pour dire, là, c'était une réflexion en écoutant aussi mes collègues, c'est de me dire qu'au fond, là, on présente nos approches de façon presque individuelle, une approche par le genre, une approche par la justice, une approche communale, mais en fait, on fait tous, on travaille sur différentes échelles, le national et le local. On intègre tous maintenant les questions de genre parce qu'en fait, on sait qu'il faut le faire sur nos travaux. Et puis, en fait, si je reviens sur la question des archives, parce que je pense que c'est important, par exemple, même si je travaille sur la question de mémoire, en fait, je vais aussi prendre des archives du Tribunal pénal international parce qu'elles peuvent m'aider à travailler sur mes questions de mémoire. Et puis même ces séparations parfois entre ce qui serait de la politique de mémoire ou de la politique de justice, c'est des typologies, en fait, qui ne fonctionnent pas en vrai, puisque pour les personnes concernées, parfois, une enquête pour la mémoire, ça peut être une enquête sur la justice. Donc ça, je pense que c'est important, parce que ça joue évidemment après sur la façon dont on pense ces archives, sur la façon dont on travaille, etc. Après, si je reviens, je vais répondre d'une certaine façon en fait à cette question, c'est que du point de vue rwandais, dans les premiers débats par les historiens rwandais après le génocide, ce qui est assez intéressant, c'est que la question du tournant colonial et du rôle du colonial dans, on va dire, la montée des divisions ethniques ou des constructions ethniques, c'est quand même ça l'enjeu majeur. C'est-à-dire qu'il y a des grands débats historiques par les historiens de l'Université nationale du Rwanda entre 98, 99, 2000, et quand on regarde le contenu, le génocide, c'est un enjeu non pas mineur, mais ce qui compte, c'est le temps long, et la plupart des historiens parlent de ça. Alors ça s'explique aussi par une autre raison, c'est que ces historiens-là sont souvent des spécialistes du colonial. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'historiens qui, en fait, ont fait des thèses sur l'époque coloniale. On est en train de changer maintenant, quand même, sur ces questions-là, au niveau historiographique, au Rwanda, où le génocide des Tutsis devient un enjeu majeur dans l'historiographie. Et ça, c'est évident qu'il y a, ça pose plein de questions sur comment on écrit l'histoire du génocide. On n'écrit pas l'histoire du génocide uniquement en étudiant le génocide des Tutsis, il faut aussi du temps long. Mais là, je pense qu'il faut... Enfin, je suis obligé de donner des éléments plus larges. C'est de dire qu'il y a quand même très peu d'historiens, en vrai. Il y a très peu d'historiens sur le génocide. Là, on représente la quasiment majorité des historiens quasiment à cette table, hein, en France. On est quand même très peu. Et à l'échelle internationale, la plupart des historiens sont ou rwandais, belges, français. Mais par exemple, chez les Américains, ce sont majoritairement des politistes. Ce qui joue complètement sur la façon de travailler, sur le rapport aux archives, ou de ne pas utiliser d'archives, etc. Et je dis ça parce que forcément, après, quand on parle de débat historiographique, on est aussi dans un contexte au Rwanda où, par exemple, il y a deux historiens rwandais majeurs, en particulier après 94, qui sont décédés récemment. Je pense à Paul Rutayisire et Joseph Johnny Wakarega. Et il y a peu d'historiens au Rwanda. C'est-à-dire que des historiens universitaires, alors il y a beaucoup d'historiens, on va dire, professionnels, mais d'historiens universitaires, il y en a assez peu. Et donc, il y a des débats historiographiques, mais en fait, il y a surtout des défis de connaissances multiples. Il y a énormément de choses à étudier, mais peu de personnes pour étudier. Donc c'est ça le contexte, en fait, de l'écriture de l'histoire. On ne manque pas d'archives, on manque plutôt d'historiens. Voilà, c'est ça, parce que le défi, c'est de pouvoir traiter autant d'archives, et parmi les archives qui nous concernent aujourd'hui, il y a celle de la justice. L'inquiétude se lit sur les visages à quelques minutes de l'ouverture du procès. Deux hommes comparaissent pour avoir directement participé au massacre de centaines, voire de milliers de Tutsis en avril 1994 à Kabarondo, dans l'est du Rwanda. 22 ans après, les parties civiles se félicitent de la tenue du procès, même si elles auraient préféré qu'il ait lieu avant et au Rwanda. Pendant 8 semaines, les deux hommes, Tito Barahira et Octavien Ghezzi, seront jugés pour crimes contre l'humanité, génocide et pratiques massives et systématiques d'exécution sommaire. L'avocat de Tito Barahira rappelle que son client conteste catégoriquement toute participation au massacre de l'église de Kabarondo. Il aurait même aidé les rescapés. Il a expliqué, et il expliquera de nouveau, qu'il est arrivé sur les lieux après le drame et qu'il n'a plus que constater la monstruosité de ce qui venait se passer et qu'il a essayé, dans la mesure de ses possibilités, d'apporter son concours à ce qui était encore là. Mais des témoins affirment avoir vu Tito Barahira le matin du 13 avril appelé à tuer des Tutsis. Il encourt, comme son co-accusé, une peine de prison à vie. Nous étions en 2016 sur France 24 avec ce procès. Timothée Brunet-Lefebvre, d'ailleurs procès à Paris. Pourquoi la justice a... Oui. Ici, j'ai envie de dire qu'il y a plusieurs justices qui nous intéressent. Oui, bien sûr. Alors, on est dans le cas très particulier de ce qu'on appelle l'exercice de la compétence universelle, dans le cas français. Donc, la compétence universelle est un principe de droit qui permet à une juridiction nationale de juger des étrangers pour des faits commis à l'étranger contre des étrangers dans le cadre de conventions internationales. Donc des faits encadrés par ces conventions comme celle de 1948 sur la répression et la prévention du crime de génocide. Et ici, dans un cas particulier, parce que en fait, la France a été un lieu de refuge, et l'est encore pour des personnes accusées de génocide. Et en même temps, la France n'a pas souhaité, du moins les tribunaux, il y a une jurisprudence sur cette question, qui fait qu'on n'extrade pas au Rwanda les accusés de génocide des Tutsis du Rwanda en France. Du moins, on ne les renvoie pas au Rwanda. Et donc ces procès, ils ont eu lieu, et vous mentionnez la date, effectivement, du procès en première instance de Tito Barahira et Octavien Ghezzi, 2016, 22 ans après les faits, comme l'explique le journaliste. C'est effectivement tard, même relativement tard, notamment quand on compare par rapport aux autres instances de justice. Gachacha, dont on a parlé, se sont arrêtés environ en 2012. Le TPIR a terminé ses travaux en 2015. C'était des tribunaux ad hoc, notamment le TPIR, qui avaient une mission dans le temps précis. Et donc, les premiers procès pour le génocide des Tutsis en France commencent en 2014. Et ils ont encore lieu aujourd'hui. 30 ans et bientôt plus de 30 ans après les faits. Et ça pose non seulement la question de cette spécificité d'une forme de justice qui est en fait assez ordinaire, parce que les gens qui jugent en France ces affaires de génocide dans les cours d'assises, ce sont des jurys et des jurés populaires. Ce sont des personnes tirées au sort qui pourraient se retrouver dans des cours d'assises pour des faits de droit commun bien plus classiques, alors que là, ils se retrouvent dans des audiences qui durent entre 8, 9, parfois même 10 semaines, et où ils doivent se prononcer sur un crime de génocide. Et donc, la grande question, c'est qu'il n'est pas que question d'un dossier avec des faits très précis reprochés à un ou plusieurs accusés, mais à la confrontation avec une histoire bien plus large, celle du génocide des Tutsis, mais aussi celle du Rwanda, que beaucoup des participants à ces procès connaissent évidemment très peu, car ils ne sont pas familiers de cette histoire. Oui, c'est important de souligner ça. Et puis, il y a la réaction aussi des accusés, parce que la peine est considérable. Juliette Bourg, dans le procès qu'on vient d'évoquer, innocent, je n'y étais pas, mais pour vous aussi, les femmes que vous avez rencontrées, mais c'est la condamnation à vie. Donc, l'idée, c'est, je ne cherche même pas à essayer de m'en sortir en minimisant mes actes. Il y a négation d'avoir participé au génocide, parfois. Oui, pour certaines, il y a négation d'avoir participé au génocide et voire même négationnisme du génocide perpétré contre les Tutsis. Par exemple, concernant Pauline Nyiramasuku, qui a été jugée au TPIR, comme de nombreux accusés du TPIR, elle a cherché à se défendre en disant « bon, c'était une guerre, on s'est massacré entre nous ». À la limite, elle aurait peut-être accepté d'être jugée pour crime de guerre, c'est ce qu'elle dit. Donc, à ce déni individuel, puisqu'elle dit « je n'ai pas participé », d'ailleurs une femme ne peut pas participer à ce genre de crime, il y a toute cette réécriture de l'histoire du génocide des Tutsis par les condamnés, qui, pour certains, restent sur cette ligne. Moins au Rwanda que ceux à l'extérieur du Rwanda qui ont, évidemment, qui ne se confrontent pas à la réalité de leurs crimes. Oui, pour rebondir sur ce que disait Juliette, effectivement, il y a en fait une dénégation première, qui est dire « j'ai pas fait ou j'y étais pas », qui en fait devient une forme de négation finale de ces des faits qui leur sont reprochés, et même de l'existence du génocide, parce que beaucoup de ces accusés, il semble, même des années après les faits, notamment ceux qui ne sont pas au Rwanda, comme tu l'as rappelé, sont encore dans une forme presque de justification, parfois un peu tue, non pas du massacre de civils, parce que ça, c'est pas possible, mais du moins du fait qu'ils ont été, en fait, les véritables victimes de ce qui s'est produit. C'est eux qui ont dû quitter leur pays, c'est eux qui sont partis en exil et qui ont dû aller en France, car ils avaient perdu la guerre. Et c'est comme ça qu'ils lisent les choses. Il est extrêmement frappant de voir des années plus tard encore la permanence de cette lecture idéologique et de cette croyance qui se poursuit et qu'on voit jusque dans les tribunaux et qui deviennent des moyens de défense. Philibert Kegwenziré, vous êtes, vous, au Rwanda, parce que vous êtes enseignant, chercheur à l'Université du Rwanda. Tout ce que nous évoquons depuis tout à l'heure, ces réflexions historiographiques, cette volonté de recherche pour comprendre ce qui s'est passé en 1994 avec le temps long, c'est quelque chose qui intéresse l'Université au Rwanda. Vous avez à côté de vous d'autres collègues qui réfléchissent à cette histoire-là. Ah ouais, c'est une question qui reste toujours intéressante, mais paradoxalement, il y a peu de jeunes Rwandais qui s'engagent à suivre cette filière, non seulement le sujet de survie du Rwanda, mais aussi la filière d'histoire. Mais il y a des réseaux qui peuvent expliquer ça. D'abord, après 1994, le Rwanda est un pays qui a l'engouement pour l'autodéveloppement, les eaux pour laquelle, d'une certaine manière, la politique nationale s'est intéressée en grande partie sur les sciences et les technologies. Mais aussi, il faut revenir sur le fait que il n'est pas évident d'aborder ces questions très sensibles, ces questions brûlantes d'histoire du Rwanda. Et moi, personnellement, je me rappelle que lorsque j'ai commencé à faire des recherches sur le génocide des Tutsis, j'étais moins courageux. Résumant que j'ai eu des professeurs, dont le professeur Kanimba, Diana Faché, Junior Karega, dont mon collègue a cité, et pour pouvoir trouver ma voie de travail sur ces questions. Donc, autrement dit, la question restait là, tout le monde aimait le but y travailler, mais on ne voit pas vraiment assez de jeunes Rwandais, assez de chercheurs qui abordent la question. Il y a cette question qui peut être abordée sur le plan strictement par la historiographique et historique, mais on sait qu'il y a d'autres, la question est abordée aussi des sciences politistes, les questions de développement, etc. Mais il est vrai que nous restons très minoritaires à travailler sur la question du génocide dans le sens historiographique du terme. Historique, historiographique, et puis la question de la mémoire, Rémi Corman, il faut vraiment en parler avec l'évocation aussi de la responsabilité de la France, qui est un élément qui a ravivé les réflexions sur le génocide, histoire sur le temps présent, on peut le dire, mais histoire sensible qui mêle le politique et l'analyse du passé. Alors, c'est intéressant parce qu'on pourrait le voir autrement, à mon avis, c'est-à-dire que je ne suis pas si sûr que ça... Enfin, la question du rôle de la France, c'est un enjeu majeur. Mais paradoxalement, alors ça a évolué, c'est-à-dire que ça a toujours été un enjeu majeur, mais pour les historiens, je donne un exemple très concret, lorsque un séminaire d'études justement sur le Rwanda avait été créé à l'EHESS par Stéphane Rousseau et Hélène Dumas en 2009, le choix avait été clairement fait pour nous à cette époque de ne pas travailler sur le rôle de la France. Une des raisons étant à l'époque justement de dire c'est un sujet qui a ses spécificités, c'est aussi un sujet qui est en grande partie franco-français. Et quand on travaille sur de l'international, sur le génocide des Tutsis, il faut bien voir que c'est quand même très franco-français. Il y a aussi une dimension franco-rwandaise, évidemment, qui est très forte. Mais en Belgique, on a d'autres questionnements sur le rôle de la Belgique. Il y a d'autres questionnements, et l'historiographie est encore différente aux États-Unis, en Angleterre, etc. Et donc, sur les questions de mémoire, c'est qu'une dimension. Et moi, dans mes travaux sur la mémoire du génocide des Tutsis, c'est une dimension qui est extrêmement mineure, parce que je m'intéresse à la première mémoire du génocide, et dans la première mémoire du génocide des Tutsis, dans les premières années après 1994, c'est pas un enjeu majeur, hein, le rôle de la France au Rwanda, ça existe, mais il y a tellement d'autres enjeux, il y a les sites de massacre, comment on transforme les sites en mémoriaux, comment on gère la question des corps, leur inhumation, leur exhumation, et puis leur traitement en dignité. Mais le rôle de la France, c'est un enjeu, qui est d'abord un enjeu politique, diplomatique, mais il faut bien arriver là-dessus à croiser les approches et dire que, voilà, c'est une approche parmi d'autres et que ça dit plus parfois de la France en tant que telle que de l'histoire plus large du génocide, à mon avis. Oui, non, mais c'est aussi à mettre en ligne de compte, parce que quand surgit dans l'actualité cette histoire-là, parfois, c'est par la polémique liée au rôle de la France et se repose dès lors toute la question des archives, qui n'est pas loin de celle de la mémoire, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Alors, sur les archives, très rapidement, elle a beaucoup évolué. Juste pour dire, je le dis de deux façons, c'est que la question des archives, elle a été importante après 1994, mais en fait, le Rwanda, pour des questions financières, pour des raisons voilà, peut difficilement gérer cette question-là, même si pour les historiens, en fait, c'était un enjeu tout de suite. La question de la documentation. On a vu un tournant, on va dire, depuis une quinzaine d'années, là qu'on voit en historien, parce que quand je commence ma thèse en 2009 et maintenant, je vois bien une grande différence sur la question des archives. Ça intéressait beaucoup moins les gens en 2009, maintenant c'est un gros intérêt. Et pour expliquer ça, c'est quand même d'abord les procédures Gatchacha, qui ont conduit à la production, on va dire, de 45 millions de pages de documents, d'archives de procès, etc. Il a fallu gérer ça, et ça a conduit, entre autres, par exemple, à la construction d'un bâtiment des archives nationales. Voilà, c'est ça. Le travail est fait, est en cours, et surtout avec toutes ces archives et ces différentes approches. Mais on le sait, on pourrait le dire à chaque émission, le cours de l'histoire, pour conclure, il y a encore énormément de travail à accomplir, mais dans ce cadre-là, c'est évident et nécessaire plus que jamais. Merci vivement à toutes les quatre de nous avoir apporté cet éclairage nécessaire, hein, au moment de commémoration, de réfléchir à ce que l'histoire peut nous donner. Merci beaucoup. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Pourquoi le rôle des artistes français dans la construction d'un théâtre communiste international a-t-il été longtemps sous-estimé ? On connaît le rôle essentiel qu'a joué le poète Jacques Prévert dans l'animation du groupe Octobre, une troupe de théâtre communiste née en avril 1932 qui contribua de manière décisive au développement du théâtre populaire jusqu'en 1936. Mais beaucoup d'autres militants communistes, aujourd'hui ignorés, ont participé à ce mouvement dans les années 1930. En août 1929, s'inspirant de l'International littéraire créé à Moscou en 1920, des artistes soviétiques et allemands décidèrent de former une internationale théâtrale communiste appelée la Société du théâtre ouvrier international, TOI. Des communistes français, notamment Paul Vaillant-Couturier et André Palin, qui jouèrent un rôle fondamental dans la construction du théâtre communiste en France, participèrent à la création de cette organisation. Le 25 janvier 1931, André Palin fonda, avec Jacques Prévert, la section française de l'internationale théâtrale appelée la Fédération du théâtre ouvrier de France. Les artistes militants de cette fédération utilisèrent les techniques de l'agitprop pour intervenir dans les rues, devant les usines, dans les cours d'immeubles, ou lors des fêtes champêtres. Les formes théâtrales qui étaient privilégiées afin de diffuser des messages militants adaptés au public populaire qui était visé pouvaient être des petites scénettes improvisées, des chœurs parlés ou des journaux vivants. Par exemple, le 31 août 1931, la troupe intitulée « L'Églantine de Villejuif » organisa une fête champêtre au parc Sacco-Vanzetti de Besançon, en installant une scène en plein air. Puis, quatre militants sillonnèrent les rues de la commune avec des porte-voix pour inviter les habitants à la fête. À l'échelle hexagonale, les rapports de police prouvent que cette propagande fut efficace. Les réunions politiques ou syndicales attiraient une assistance plus nombreuse quand un spectacle théâtral était donné par des artistes de la Fédération. La Fédération réussit à se développer en province, en multipliant les troupes locales. Ce fut le cas notamment à Marseille, où fut mis en place un théâtre ouvrier adhérent à la FTOF. Des efforts furent aussi entrepris en ce sens dans l'Empire colonial français. Mais malgré les consignes de l'international, le théâtre communiste ne parvint pas à vraiment s'y implanter. En 1936, le début des purges staliniennes à Moscou mit un frein à cette activité théâtrale internationale. La FTOF fut dissoute en avril 1936, devenant l'Union des théâtres indépendants de France, ou Théâtre de la Liberté. Dirigée par Jean-Paul Dreyfus, membre du groupe Octobre, elle fut alors intégrée à l'Association des Maisons de la Culture, dont le secrétaire général était Louis Aragon. L'étude des archives du Comintern, conservée à Moscou, prouve que le PCF a joué un rôle important dans le développement de l'international théâtral communiste au cours des années 1930. Mais les révélations concernant les crimes de Staline ont sans doute incité les artistes qui avaient participé à cette aventure à occulter ou à minimiser leur engagement au sein du mouvement communiste. Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui à la technique Jean-Guilain Meige, émission préparée par Jeanne Copet, Jeanne Delecroix, Toscane Viudès, Mathieu Copal et Mayouen Guizou. Le cours de l'histoire écouté à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.